Bah, ils sont bien mieux équipés que nous. Nous, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont, eux. Ok, c'est bon. Ouais, mais c'est mieux comme ça. C'est au calme, au moins. Ouais, mais c'est vrai que là, s'il y avait des gens qui... Enfin, s'il y avait une foule qui parlait, ce serait tendu. Moi, ça me dérangerait. Ok, vous êtes prêts ? Vas-y. C'est quand tu veux. Ok, bonjour à tous. On est sur Radio Campus Orsay. Aujourd'hui, on va vous parler un peu du mouvement punk. On reçoit Benoît. Bonjour Benoît. Enchanté. Est-ce que tu es content d'être arrivé à Campus Orsay ? Ça s'est ouais, bien passé. Ouais, carrément, c'est super. On a aussi Martin et Hugo. Vous présentez un peu ? Vas-y, vas-y, toi, Léonard. Vas-y. Alors, okay. Non, moi, je suis juste là. Je suis complètement un inculturé de la musique et puis je profite du coup de l'occasion pour découvrir une petite partie de la musique, des styles qui existent. Donc, voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Écoute, du coup c'est Hugo et okay. Du coup c'est Hugo et Mathias m'a proposé de passer et du coup le mouvement punk c'est un truc qui m'intéressait donc je me suis dit tiens on va venir. Donc notre invité c'est Benoît qui se tu te définis comme punk avant tout ou ouais on va dire ouais franchement ouais depuis mes 14 ans à peu près ouais je me considère comme punk ouais. Donc ça va faire combien de temps? Longtemps? Bah ça fait 20 ans. Donc le punk c'est quoi en fin de compte? Comment le mouvement a commencé mi-70? À peu près ouais, dans ces eaux-là ouais. Ça commence en Angleterre, ça commence avec des groupes comme Sex Pistols. The Clash. Vraiment, enfin les... La communauté pauvre londonienne qui commençait à en avoir un petit peu marre du gouvernement et tous ces trucs-là et qui ont dit bon bah voilà, on a un peu marre, la seule façon de le dire c'est en musique. Oui. On va dire ce qu'on a à dire en chanson quoi. Mais c'est une revendication sociale. Ouais, The Clash viennent d'un milieu prolétaire. Enfin, d'un milieu bourgeois, pardon, contrairement à Sex Pistols, qui sont vraiment d'un milieu prolétaire. Johnny Rotten, qui est l'image de Sex Pistols, il est fils d'ouvriers irlandais, et donc il a subi pas mal de racisme pendant une grande partie de son enfance et son adolescence. Et oui, il était considéré comme la classe ouvrière, quoi. Ouais, même pire que ça, enfin, je dirais même que Johnny Rotten il était peut-être considéré limite comme rien quoi. Le mec traînait dans des squats ou vivait à la rue, obligé de voler pour s'habiller, obligé de voler pour manger. C'est des mecs qui n'ont pas eu la vie facile. Moi je vous propose de commencer par une musique de Sex Pistols pour pouvoir un peu l'introduire avant de rentrer dans les débats. Et je vous mets Anarchy in the UK. Bye, 'cause I wanna be. On se retrouve sur Radio Campus Orsay juste après Anarchy in the UK qui présente un peu, qui présente très bien même le contexte un peu de l'époque, comme tu nous disais Benoît pendant la musique. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une période de pauvreté pour les jeunes où le gouvernement est pas bien vu, une période de rébellion. Et effectivement, bon, bah, y a eu ce groupe, les Sex Pistols, qui ont voulu et qui ont osé, même s'ils ont eu des problèmes, dire ce que les autres ne pouvaient pas dire en musique. Et comme le dit la chanson, voilà, tout est dit dans la chanson. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est parfait. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, le thème est clair, c'est voilà, on en a marre de votre gouvernement, on en a marre de ce qui se passe, et tout ce qu'on veut, c'est foutre le bordel. C'est un peu une explosion de marre de subir l'oppression et de décider de désobéir. C'est un peu de la désobéissance. Ouais, ça fait penser à du mai 68. Ça fait penser à... Voilà, c'est une rébellion. C'est une rébellion contre l'oppression des médias, du gouvernement, ce genre de choses. C'est une demande de liberté. Voilà. Vous nous interdisez de parler, vous nous interdisez de vous exprimer, bon, on va quand même le faire. Et si vous êtes par la musique. Par la musique, par les tags, par le style visuel, les attitudes. Oui, par les tags, il y a aussi le mouvement King Mob qui commence juste après fin 68, juste après fin mai 68. Et c'est un peu le rebondissement anglais, on va dire, de mai 68 français. C'est un groupe d'étudiants en art qui s'expriment, qui donnent leur avis. Par l'art, avec des slogans un peu sur de ce courant. Et il y a un certain Malcolm McLaren qui en fait partie. Et il profite vachement de ce mouvement, il est fan de 68. Et c'est lui qui, le manager des Sex Pistols. Tu n'as pas beaucoup de sympathie pour McLaren. Encore un grand merci à Malcolm McLaren. Et qui regroupe, on va dire, deux groupes. D'une part, Johnny Rotten et Sid Vicious, qui jouent dans le métro à cette époque, qui vivent dans des squats. Et Steve et Paul, qui eux jouent avec des instruments volés. Et il les réunit pour pouvoir former The Sex Pistols en 1976. Et en soi, c'est un groupe, ils proviennent de deux groupes et c'est un peu dans l'image aussi. Je sais pas si c'est spécialement vrai, mais j'ai vu comme quoi ils n'étaient pas spécialement. Les deux groupes étaient bien distants à l'intérieur de Sex Pistols en fait. Ils s'appréciaient pas spécialement, c'était pas des amis de très très longue date quoi. Et voilà, et tout commence du coup en 1976. Et ils revendiquent la liberté et un peu ce ras-le-bol quoi. Et de. Un peu un appel au soulèvement, quoi, qu'il y en a marre. Et notamment avec God Save the Queen. Alors c'est un morceau, il me semble, en 77. Oui, c'est ça, en 77. Et ils le font l'année du jubilé de la reine. Donc après les 25 ans de règne de la reine Elisabeth II, ils sortent God Save the Queen. Je vous propose de l'écouter. We'll be right back. God Save the Queen. Est-ce qu'ils veulent vraiment la protéger, cette reine? Est-ce qu'ils l'aiment vraiment? Ah, bonne question. Bonne question. Non, pas du tout. C'est bah, la bonne question, mais la réponse est assez directe. Qu'est-ce que tu nous as dit? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent sous-entendre? C'est assez clair, mais... En fait, si on écoute bien les paroles, bon, dans God Save the Queen, en fait, pour moi, il y a une métaphore. C'est pas vraiment protéger là, mais c'est plutôt, voilà, Dieu, occupe-toi d'elle, puisque de toute façon, on va bientôt s'en débarrasser, entre guillemets. Ouais. Et ouais, là, il y a clairement un coup de gueule à la royauté. Ouais. À ce moment-là, la reine, on en veut pas, quoi. On veut un autre régime, on veut une autre façon de faire. Mais c'est aussi un contexte assez fort, puisque c'est encore, à l'époque, ils sont vraiment considérés comme un peu fascistes, cette reine, puisqu'elle supporte l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Et de point de vue international, c'est vraiment pas top, quoi. Ouais, puis elle s'occupe surtout pas de ces pauvres et des jeunes, de ces jeunes de 20 ans qui sont en train de dormir dans la rue, à devoir voler pour manger, et des situations qu'on a connues dans tous les pays à toutes les époques. Mais justement, là, c'était vraiment le moment où il fallait que ça gueule, quoi. Ça a emporté beaucoup de gens dès le début. Ça, je pense, ouais, de mémoire, ça a été assez rapide. Hein. Le mouvement punk en Angleterre a démarré comme une bombe. Hein. Comme une espèce de mini-bombe qui s'est étendue en Europe, aux États-Unis, qui s'est étendue partout. Et ça a été le début d'une espèce de révolution culturelle où les groupes se sont dit « Bon, bah, on va pas faire de la musique pour faire plaisir aux gens, on va faire de la musique pour dire ce qu'on a, nous, envie de dire. » Après, forcément, les producteurs s'en sont servis parce qu'ils se sont dit « Ouais, bah, y a moyen de se faire du pognon là-dessus. Merci, monsieur McLaren. » Et ainsi de suite. Après, voilà, l'évolution. Après, on en reparlera plus tard. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi un mouvement très londonien au début. Je citerai The Clash. Est-ce que tu écoutes beaucoup The Clash ou... Moi, j'aime beaucoup The Clash. Hein. J'aime beaucoup. C'est un petit peu différent. Il y a un petit côté rock, il y a parfois un petit côté pop, mais ça, dans la mentalité, ouais, ça reste quand même punk. Et c'est surtout de meilleurs musiciens que les Sex Pistols, parce que les Sex Pistols ont beau avoir un message très clair, ça restait quand même de très mauvais musiciens. Et sans la voix de Johnny Rotten, ils n'auraient jamais rien pu faire. Ouais, qui est assez charismatique, et c'est vraiment dans le message, quoi. Tout à fait. The Clash. London's Calling. Cause London is drowning, and I live by the river. London Calling. Ouais, alors... Je voulais intervenir du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi The Clash était au final de meilleurs musiciens que les Sex Pistols. Est-ce que tu... Enfin, on rappelle du coup que ouais, Sid Vicious, qui était bassiste dans les Sex Pistols, savait absolument pas jouer de la basse en arrivant, quoi. On lui a vraiment filé le truc, il est arrivé avec, avec son charisme, enfin avec sa personne, quoi, sa mentalité. Est-ce que c'est pas un peu identitaire du coup du punk, justement, de se lâcher comme ça et d'y aller à fond, même sans expérience, enfin, bah, de donner ce qu'on a, quoi. Pour moi, oui, parce que après on pourra revenir là-dessus sur d'autres groupes, parce qu'il y a d'autres groupes qui ont fait ça aussi, qui n'étaient pas spécialement au début dans la musique, mais avec un chanteur qui avait un charisme de dingue. Ou pour le coup, Sid Vicious, qui était vraiment l'emblème des Sex Pistols, parce qu'il avait tellement la classe que la plupart des jeunes de l'époque se sont identifiés à lui, a commencé à mettre un collier autour du cou en chaîne, cadenas, ouais. Avec le cadenas. Johnny Rotten avait la voix, mais c'était pas lui le mec le plus charismatique du groupe, c'était vraiment Sid Vicious. Ouais, d'ailleurs, même malgré le fait qu'au final, musicalement, il apporte pas quelque chose d'incroyable au groupe, c'est vraiment son charisme, c'est sa personne qui a joué, son attitude. Au final, sa basse, limite, il en jouerait pas, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, on l'entend quasiment pas dans la musique. Ouais, super intéressant. Et en venant un peu d'un milieu, on va dire, vachement, un peu les squats, la street, et c'est dur de rentrer dans le showbiz, comme tu nous disais, pour les The Sex Pistols notamment. Ils sont un peu faits couillés pour être crus dans l'histoire quand ils ont commencé avec leur premier album. Bah, c'est exactement ça. C'était un nouveau son, c'était une nouvelle vague. En tant que producteur, le mec se dit, y a moyen de se faire du business. Il les a exploités et c'est pour ça que ça a pas duré. Après, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. La drogue, la mort de Sid Vicious et fin de l'histoire. Le punk, est-ce que c'est forcément des musiques violentes, énervées ? Est-ce que ça peut être plus un peu glamour, romantique ? Tout à fait. De toute époque, est-ce que on voit un peu dans The Clash déjà les mélodies sont plus recherchées. C'est Should I Stay or Should I Go, tout le monde l'a déjà entendu. Elle est déjà plus calme et c'est recherché, je trouve. Mais ça reste quand même, c'est pareil. C'est après le punk n'est pas forcément violent. C'est plus une façon de s'exprimer librement. De dire ce qu'on a à dire. Alors des fois, selon l'humeur, oui, ça va être violent, des fois ça va l'être moins. Mais après, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être plein de choses. Après, c'est toujours appuyé aussi sur l'image. The Clash, c'est même s'ils viennent, c'est super important que Joe vienne d'un milieu bourgeois. Et pourtant, c'est lui, il s'appuie vraiment sur la révolution et un peu sur la libération sociale, quoi. C'est vrai que même venant d'un milieu bourgeois, sans le savoir, on se dirait « non, mais sérieusement ?» Ouais, c'est plus facile de remettre en cause, en fait, une fois qu'on a du recul. Mais comme quoi, après, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas toujours une histoire de classe sociale ou de famille. Après, c'est surtout... qu'il vienne d'un milieu bourgeois ou quoi, si lui, en lui-même, à l'intérieur de lui-même, il est pas d'accord, et il se sent pas d'accord avec ce milieu-là, forcément, il va s'exprimer d'une autre façon. Ouais. Should I Stay or Should I Go de The Clash? Back. Well, come on and let me know. stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? Il y a une anecdote super intéressante, c'est que vers la fin, dans le couplet, ils sont accompagnés en fond par un chœur et ils chantent en équatorien, il me semble. Bon, la musique est assez douce, comme on a dit, assez rythmée, et ça fait pourtant partie du mouvement punk. Justement, ouais, moi j'avais une question à te poser là-dessus, c'est est-ce que tu... Enfin, je sais qu'il y avait certains conflits en fait justement entre ce mouvement punk qui pouvait être plus pas allégé mais plus ouvert à un public plus large et le punk qui était un peu plus déjà un peu plus trash. Donc est-ce que tu penses qu'il y en a un qui est plus punk que l'autre? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence là-dedans? Une différence? Non, en fait moi je pense que c'est plus par rapport au public en lui-même. Tu vas avoir des gens qui vont être plus vénères que d'autres. D'autres qui vont l'être moins. Donc il y a des gens qui vont se tourner vers des groupes un petit peu plus hard et d'autres qui vont rester sur des styles un petit peu plus soft entre guillemets, mais ça restera toujours la même chose. Après c'est la même différence entre le metal et le black metal. Est-ce que l'esprit a changé ou c'est simplement le niveau, est-ce que c'est simplement musical ou les idées transmises sont différentes dans les paroles et... Non, pour moi les idées transmises sont exactement les mêmes. Là, après, c'est juste que certaines chansons ou certains groupes vont avoir forcément leur style propre. Il y en a qui vont préférer y aller plus brutalement, d'autres moins. Mais pour moi, tout ça fait partie du même mouvement. Mais justement, l'avantage, c'est comment chacun peut se reconnaître dans ce style-là en préférant tel ou tel groupe plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de fermeture qui serait due justement aux classes sociales, du fait qu'il y ait des groupes comme les Sex Pistols qui soient vraiment sortis de la rue et que... Non, puisque de toute façon, le punk restera généralement et majoritairement un style musical de basse classe. Donc même s'il s'ouvre, ce n'est pas forcément un problème. Ouais, et du coup, ouais, bah, moi j'avais quelques idées de groupes un peu plus... Enfin, qu'on pourrait considérer un peu plus trash justement... J'avais The Exploited qui se revendiquait un peu plus ouvrier, un peu plus du milieu justement, vraiment trash, le punk qui a souffert. Est-ce que lui là du coup tu le vois sans différence par rapport à The Clash ou à... Ouais, pour moi c'est que ce soit The Exploited ou Rancid ou d'autres groupes qui sont effectivement plus trash, avec une voix plus grosse, plus lourde, des propos qui sont beaucoup plus crus. Moi, je peux écouter les deux. il y a aucun souci. Ça dépendra juste de mon humeur. Et c'est comme je disais pendant la coupure, effectivement, bah, y a des jours où on va écouter du punk un peu plus calme, des jours où on va écouter du punk un peu plus trash. Mais dans l'ensemble, ça, dans l'ensemble, reste punk. Ouais. Ouais, ça reste la même chose. C'est juste que c'est pas la même façon de le dire. Après, ça dépend beaucoup du chanteur. T'as des chanteurs qui vont y aller un peu plus bourrin et d'autres non. Mais après, les idées sont les mêmes, ça restera toujours la même. D'accord. Bon, je vous laisse avec The Exploited alors. Fuck the USA. Donc c'était The Exploited. Et on... Donc ça, c'est un groupe qui est arrivé un peu plus tard, qui était plus début des années 80, 79, qui s'est donc plus inspiré, enfin qui est venu après les Sex Pistols. Et qu'on peut, ouais, du coup, considérer comme plus trash, justement, comme tu nous le disais, il y a des BPM vachement plus... Enfin, c'est vachement plus rapide. Et du coup, ouais, il y a... J'ai te parlé justement de la Oi et de tout ce mouvement qui après a dérivé vers, des, vers certains un peu extrêmes, vers certaines parties. C'est quoi ton avis là-dessus justement sur ces parties du punk qui ont un peu dérivé Bah ouais, comme tu dis très clairement, ça, après ça a forcément dérivé sur des extrêmes parce que là on sent déjà le début de la dérive. Parce que là ça, ça sent déjà des envies de pogo, ça sent déjà des envies de frapper. Et après effectivement on a eu ce mouvement... qui, à partir de là, a encore bifurqué vers un autre mouvement qui était, bah, qui est parti dans le racisme, dans l'extrême, où là, ça commençait vraiment à dégénérer et qui a commencé à toucher une autre partie de la population qui était encore plus énervée que les autres, puisqu'il en faut pour tout le monde. Donc forcément, ça s'est créé de toute façon, puisqu'il y a eu cette demande. Donc la musique suit le mouvement des envies des gens, et ainsi de suite, et tout ça, ça continue. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, depuis les années 70, la musique a bifurqué en plusieurs branches, et encore d'autres branches, jusqu'à se faire une espèce d'énorme arbre généalogique qu'on connaît maintenant. Ouais, je comprends. Mais du coup, ce genre de public, justement, pouvait avoir une certaine hantise, enfin une certaine haine du punk qui, lui, dérivait du coup d'un autre côté, qui, lui, allait plus vers une branche pacifique, dans un style un peu plus posé, un peu moins agressif, hargneux. Ou même qui assume les mouvements antifa et c'est pas forcément passif, mais montre vraiment qu'il est contre les fascistes. Je pense que c'est aussi une revendication qui peut être considérée peut-être par ces courants-là comme plus légère ou un peu frêle, mais je pense que le message est aussi puissant, quoi. Mais c'est juste que c'est l'opposé, quoi. Ouais, c'est une idée un peu plus forgé, un peu plus extrême. Tu as quoi comme groupe, par exemple, pour... Ouais, du coup, un groupe qui se revendiquait plus pacifiste, il y avait Crass, justement. Ouais. Puis c'est Anarchie, quoi. Ok. Alors, je vais essayer... They turn me off 'cause things they never read. They tell me go to church and see the light, 'cause the good Lord's always right. So what? So what? So what if Jesus died on the cross? So what about the fucker? I don't give a toss. So what if the master walked on the water? Don't see him try to stop the slaughter. Say I wouldn't have to live in bins if I would go along and confess my sins. Say I shouldn't commit no crime, 'cause Jesus Christ is watching all the time. So what? So what? So what? He means always over my shoulder. Realize the truth as I get older. Get to see what a con he is, because it's my life, my now is. But they say they're gonna send me away, say they're gonna make me pay. Sorry, but you gotta go, 'cause you were naughty, you said no. So what? So what? So what if I see through the lies? So what if the people I despise twist my arm and make me work? I know get the fucking jet. I know spastic lying in a suit. I know superstar in it. I'm just a person. So What, donc The Crass, c'est un groupe qui vient du Royaume-Uni, et ils ont commencé vraiment au début de la vague punk en 1977. Ils sont toujours revendiqués contre la violence, contre la guerre, le sexisme et antifasciste aussi. C'est vraiment l'opposé, et ils assument, ils essayent quand même de transmettre un message. Après avoir fait une petite introduction de ce que peut trouver dans le punk, en fin de compte, comment, je pose la question à Benoît, comment on pourrait définir un punk ? Qu'est-ce qui est tout simplement la définition de base d'un punk ? La question n'est pas spécialement simple. La question, c'est vrai que la question est simple et en même temps, c'est vrai qu'elle est complexe. Mais moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la liberté. Tout simplement. De penser. Liberté de penser, de dire ce que tu as envie de dire. T'es pas d'accord contre le régime, tu le dis. T'as pas envie de t'habiller comme tout le monde, tu t'habilles pas comme tout le monde. T'as pas envie de traîner dans les mêmes endroits, d'écouter les mêmes musiques, tu le fais. C'est vrai que c'est vrai pour d'autres styles musicaux aussi, mais principalement là-dessus, puisque la plupart des styles musicaux et la plupart des musiques qu'on a maintenant ont quand même dérivé de là. Tout ce qui est hard rock, metal, new wave, énormément de styles musicaux ont dérivé du punk et ont commencé par là. Avant le punk, il y avait quoi ? On avait les Beatles, on avait du rock qui était vraiment très, très, très calme, entre guillemets. Une fois que les gens ont vu qu'on pouvait exprimer sa colère ou ses angoisses ou sa peur ou quoi que ce soit par la musique, forcément, tout ça, ça a donné pas mal de choses. Et ouais, pour moi, principalement, c'est... Bon, forcément, on se retrouve marginalisé, c'est sûr. Mais on le fait volontairement parce qu'on n'a pas envie d'être mélangé à ce que j'appelle, entre guillemets, la populace. Parce qu'on se sent différent et qu'on n'a pas envie d'être, entre guillemets, dans le même sac. Ok. Ouais, dans un certain conformisme. Ouais, c'est tout ce qui va avec. Mais est-ce qu'on est déjà marginal et ensuite on essaye de rejoindre un peu un groupe qui assume les mêmes idées ou c'est les idées qui viennent et ensuite on essaye de s'écarter de la masse Je pense que ça se fait naturellement au final. Pour moi, la personne qui se dit... Tiens, je vais devenir punk ou tiens, je vais devenir gothique. Il y a déjà des idées derrière, ça peut pas venir de nulle part ou. Ce que je veux dire, c'est que ça marchera pas. C'est soit on a déjà ce sentiment-là et on se dit, mais je me reconnais dans ce mouvement, je me reconnais dans ces idées. Et là, oui, forcément, ça va suivre. Mais on peut pas le devenir volontairement. Ça se passe au niveau du cœur, ça se passe au niveau de la tête, ça se passe au niveau de son passé. Quelle que soit l'éducation qu'on a eue ou quoi que ce soit, il y a un moment où on va se dire là ça me parle et ouais, ça c'est quelque chose qui est pour moi. Et comment on reconnaît le punk alors ? Est-ce que c'est très visuel ? Est-ce que c'est forcément vestimentaire ? Ça fait partie ? Est-ce que c'est obligatoire ? C'est pas obligatoire, ça l'était à l'époque parce que c'était une façon de se dire regardez, je suis pas comme vous. Après, c'est pas obligatoire. Après, ça reste pour moi principalement une façon de penser, même si il est vrai que on va avoir certaines préférences vestimentaires, que ce soit les treillis, les blousons en cuir, les bagues, les boucles d'oreilles, ce genre de choses, mais c'est pas obligatoire. Ok. Donc il y a pas un pack à avoir en entier. C'est plus la mentalité prime, c'est le plus important, comme tu l'as dit. C'est ça. Ok. Je vais mettre I Found the Law et on va continuer encore pour une série de questions. Benoît, on va te harceler de questions. Allez-y. Hein. I'm C'était The Clash, encore, on les aime bien. Moi, Benoît, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on peut considérer comme punk et qui, en fin de compte, ne le sont pas réellement et inversement. C'est-à-dire, ça, c'est forcément assimilé au cliché du punk. Ça. C'est très compliqué ouais, à trouver, mais... Là, j'aimerais bien que tu développes un petit peu plus la question parce que là, je trouve ça un petit peu obscur. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est forcément assimilé au punk et pour toi, tu ne trouves n'est pas spécialement punk ? Que ce soit au niveau musical, au niveau, bah, on va dire du cliché, quoi, pour être un peu. Ah, le cliché, de la crête. Ouais. Voilà, par exemple. Ah, la crête, par exemple. Le cliché des chiens, par exemple, aussi. Ouais. La crête, c'est The Cliché. Des punks qui avaient la crête, c'était hyper rare. Et maintenant, quand on se dit punk, je dis, ah, mais tu fais la crête et tout. Mais non, mais déjà, c'est hyper chiant à faire. Ça bousille les cheveux. Bon, t'as quand même une iroquoise. Ouais, mais ça, je le faisais déjà il y a 10 ans avant que les footballeurs le fassent et que tout le monde le fasse. Ça, personne ne le faisait. C'est juste parce que je me suis dit, tiens, je vais faire comme ça. Mais c'est l'idée qui m'est venue d'un coup. Je me suis dit, j'ai envie d'avoir les cheveux longs. Mais sur le côté, je trouve ça fait naze. Bam, donc je les ai gardés longs et j'ai rasé sur le côté, tout simplement. Mais ouais, t'as le cliché, forcément, des piercings, le tag ou le tatouage anarchie. Que le mec va se faire en bien visible en disant hey, « Eh, regardez, j'ai un tatouage anarchie, ça veut dire que je suis punk. » Alors, ce qui est complètement idiot. Tous les punks ne sont pas forcément anarchistes. L'anarchie. En fait, je pense que quand ils parlaient d'anarchie à l'époque, c'était plus une envie de rébellion que de vraiment, vraiment foutre la merde. Parce qu'on sait très bien, en étant intelligent, que l'anarchie mène à quoi ? L'anarchie mène au chaos et le chaos mène à rien de bon. Donc il n'y aurait aucun intérêt à faire vraiment une rébellion anarchiste pure et dure. Puisque forcément l'économie sera détruite et tout, il n'y a plus rien qui fonctionnerait, on repartira à l'âge de pierre. Non, je vois plus que ça comme une métaphore. Je pense que c'était le mot qu'ils avaient à l'époque, c'est le mot qui est resté. Et voilà. Alors, soit pour attaquer ce qui était mis en place, l'aspect socio-économique qui était mis en place à l'école, c'était, ouais, à l'époque, c'était vraiment pour contre ça avant d'être spécialement anarchiste. Donc. On a parlé de pas mal de groupes anglais, du coup l'Angleterre c'est une monarchie, donc c'est vrai que c'est encore plus symbolique, je trouve, du coup. C'est ce qui se pose. Ouais. Ouais. Le fait que ça ait commencé en Angleterre, du coup, ça implique, je pense que ça a eu plus d'impact que si ça avait commencé chez nous. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, même si après on a quand même Iggy Pop qui est très lourd au niveau des États-Unis, mais les États-Unis c'est grand, il y avait beaucoup d'autres mouvements musicaux, du coup il a eu moins d'impact, alors que l'Angleterre en étant petite... ça s'est propagé beaucoup plus vite. Ok. Et le cliché des punks à chiens. Est-ce que un punk a un chien ou c'est pas obligé, on peut avoir un hamster par exemple. Déjà, qu'est-ce que t'entends par punk à chien ? C'est ça la question. Moi, oui, parce qu'après il y a le punk à chien, pas forcément avoir un chien, mais l'aspect du punk à chien qu'on peut avoir dans le sud de la France. Ouais. C'est pas pour être cliché. Par exemple, moi je viens d'Ardèche et en fait il y avait vachement cette réputation de... Bon, il y a des clans en Ardèche, il y a plein de types de clans. Et dont les clans... quand j'étais petite, on me disait tout le temps qu'il y avait les punks à chiens. Et dans ma tête, je m'étais formée une espèce d'image. Bon, quand j'étais petite, ça a changé à l'adolescence, hein, quand je suis allée en ville. Et en fait, les punks, ils avaient été forcément accompagnés d'un chien et d'un camion. Et ça a changé par la suite, hein, faut pas s'en faire. Mais c'est parce que du coup, je ne côtoyais pas beaucoup de punks. Et donc à l'époque, j'imaginais que c'était vraiment avec des chiens. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent... qui s'imaginent ça en fait. Enfin, ouais. Je pense aussi. Après, moi, la seule fois où je l'ai entendu, c'était le mec qui me tatouait à l'époque, qui était un skin de Palaiso. Quand je lui ai dit que j'étais plus punk qu'autre chose, il m'a dit ouais, t'es un punk à chien. Moi, sur le coup, j'ai pas forcément calculé, même si j'ai déjà croisé des punks qui étaient clodo, qui avaient un chien, parce qu'on sait très bien que le chien est le meilleur ami de l'homme, et qu'à part un autre ami, bah, plutôt que d'être seul, vaut mieux avoir un chien quand on dort dans une tente, c'est beaucoup plus sympa. Peut-être que ça protège aussi en fait. Vivre dans la rue, c'est super dangereux. Aussi, et ouais. C'est vraiment. Ton chien, c'est ton ami, il peut vraiment te protéger, c'est super dangereux. Après, voilà, c'est une expression comme une autre. C'est comme. Il y a plein d'autres mouvements dont on ne citera pas de nom, où il y a des expressions comme ça. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est des gens qui sont tellement dans leur mouvement que ce mouvement-là, pour eux, est complètement à l'opposé. Et donc, ils vont se servir de ce genre de phrase, un petit peu comme d'une insulte, pour cataloguer ce mouvement. Mais on peut très bien le faire pour d'autres mouvements. Donc, je pense que j'ai rien de plus à dire là-dessus. Non, mais c'était pour justement casser ce mythe, parce qu'il faut en parler. Ah oui, je pense que je pour casser un peu les mythes, il faut parfois en parler et des fois arriver dans des bassesses un peu difficiles. Déjà, je pense qu'il faut déjà avoir une réflexion logique et adulte et se dire, mais pourquoi ? Déjà, d'où est-ce que cette idée est sortie et pourquoi ? Quelle est la raison ? Moi, je pense que c'est juste une espèce de discrimination facile et gratuite. Les punks ont toujours été mis sur le côté et un peu critiqués. Dès le début, punk, ça vient de... Ça veut dire rougeton, bon à rien. Et justement, les punks ont accepté ce terme qui était pour c'est les ça. Désigner. Mais de manière assumée, enfin, pour un peu se moquer, bah, appelle-moi comme ça si tu veux, je l'assume. Moi, c'est exactement comment je fonctionne. Je vais pas dire à tout le monde que je suis punk, mais bon... Le mec va me dire, t'es tout le temps habillé comme ci ou machin, truc bidule. Je dis, écoute, mec, moi je suis à l'aise comme ça, si ça te plaît pas, habille-toi comme tu veux, c'est pas mon problème, fais ta vie. Et effectivement, oui, on accepte exactement ce qu'on est et on le vit très bien. Et pour revenir un peu sur les punks à chiens, il y a une série de vidéos que je conseille, de Tracks, qui est fait sur Arte, une série de 3 vidéos sur les punks à chiens, qui suit un peu une troupe le long des festivals dans le sud de la France. Et c'est super intéressant. Oui, encore. Bah après, il y a les punks à chiens, il y en a pas mal à Perpignan, à Montpellier, à Toulouse. C'est un peu des gros spots l'été, mais je pense que ça fait partie de la culture après. Mais c'est peut-être un peu trop cliché de considérer uniquement les punks par l'image qu'on a, quoi. C'est beaucoup trop facile, c'est comme pour tous les mouvements, s'arrêter à des idées reçues sans chercher à comprendre, on appelle ça comme on veut, mais bon, moi pour être simple, j'appellerais ça juste de la gaminerie et de l'ignorance. Renseigne-toi avant de critiquer. Ouais, c'est ça, parce que le cliché aussi aide vachement justement à rabaisser, à coller justement une étiquette, et après, par le cliché, tu mets l'étiquette. Après cette étiquette, on s'en sert. Ouais, bien sûr. Et le mouvement devient plus fort, et après, du coup, ceux qui se retrouvent ridicules, c'est ceux qui sont en face, c'est pas nous-mêmes. Ouais, mais je veux dire, le sentiment de base est vraiment de faire l'amalgame le plus gros possible afin de dénigrer, quoi, afin de critiquer. Bon, tu as cité Iggy Pop pour le courant américain. Je vous mets Right Right End. Le plus vieux punk encore en vie, les mecs. Great Right Hands de Iggy Pop. Moi, quand la musique a été lancée, c'est parti en débat là entre Benoît et Hugo. Pas vraiment débat, mais un peu l'apologie de Iggy. Qu'est-ce que vous en pensez de L'Iguane? Bah, ça reste quand même le maître. Ça reste quand même le plus vieux punk encore en vie. Et à cet âge-là, être encore en forme avec tout ce qu'il a pris, à faire encore des concerts de malades, à déchaîner des foules, bah c'est comme Iron Maiden pour le métal ou AC/DC. Enfin, c'est le top. C'est le mec qui a réussi à tenir le plus longtemps et ça restera quand même un symbole, ouais. Une icône. Ouais, justement, c'est ça. Ouais. C'est des icônes increvables qui ont perduré dans le temps comme pas permis. Quoi. Et on veut pas qu'elles crèvent, surtout. 71 ans au mois d'avril, quand même. Magnifique. Ouais. Et ouais, il est passé partout, tu m'as dit. Oh oui. on va pas citer les noms. Hein. Non, mais enfin bon, comme toute personne de tout groupe musical des années 70-80, que ce soit les Beatles, que ce soit le métal ou que ce soit n'importe quel style, tout le monde prenait ce qu'on sait qu'il prenait. Ouais. Après, il y en a qui ont tenu, il y en a qui n'ont pas tenu, il y en a qui ont rechuté, il y en a qui sont morts. Lui, il est toujours là, il est toujours en forme. Et pour un mec de 70 piges, si vous regardez ses photos, vous allez être sacrément surpris. Tiens, enfin, moi, des pubs aussi, tu m'as parlé, il fait encore des. Ouais, enfin, il fait encore de la com. Et il fait encore des lives. Il n'y a pas longtemps là. Et il fait encore des lives et bien chaud en plus. Bon, on va continuer un peu, peut-être à voir qu'est-ce qui s'est fait un peu autour du punk jusqu'à maintenant. Et un peu les dérives. Et puis, si des questions nous viennent au fur et à mesure, on n'hésitera pas à les poser à Benoît. Après le début du punk, le vrai punk, les racines plutôt, dans les années 90, on a un peu un retour avec la culture pop, des skaters tatoués qui osent rien sur la côte. La côte, Californie. Ouais, tout à fait. Sur la côte ouest américaine. Le nouveau mouvement punk des années 90, ce que j'appelle, enfin ce que moi je qualifie de punk californien. Avec Sum 41, Green Day, tous ces nouveaux groupes qui étaient jeunes à l'époque quand ils ont commencé, ils avaient la vingtaine. Ils ont commencé pareil dans un garage ou des trucs comme ça. Après, c'est vrai que c'est un petit peu différent, c'est un peu plus ensoleillé, c'est un peu plus teenager, c'est un peu plus calme. Ouais, moi ça me rappelle vraiment cette époque en fait, tu sais, qui était associée à ce genre de films là, qu'on regardait quand on était jeune, genre American Pie, ce genre de voilà, films, ouais. C'est exactement ou ça. Scream, voilà, ce genre d'époque et d'ambiance vraiment américaine. C'est cette période, ouais. Bah, c'est les bad boys, en fait c'est un peu la représentation du bad boy, de ces genres de culture pour les jeunes, on va dire, au niveau des films et des séries, ouais, c'est la représentation du bad guy. Après, ce qui fait toujours bizarre, c'est que... En ayant connu en ayant vu les débuts du mouvement et en voyant le second mouvement punk, ce que on pourrait dire néo-punk entre guillemets, le nouveau punk des années 90, ils avaient peut-être l'air classe pour les mecs de leur âge, mais pour les vieux, du coup, ils avaient pas du tout l'air classe parce que c'était je suis en baggy, je suis pas tatoué. Ça fait du skateboard ou du BMX dans les clips. Je veux dire, tout de suite, ça faisait beaucoup moins rébellion. Ouais, beaucoup moins hard. Ouais, ça faisait même pas très rébellion du tout. Ça faisait plus, on fait du punk parce qu'on écoutait du punk et qu'on aime bien, mais on le fait à notre façon, d'une façon un peu plus moderne. Pour un public qui était différent aussi, un public qui a évolué entre temps, qui s'est assagi, plus la même tranche d'âge. Ouais, qui s'est assagi et qui est beaucoup moins vénère. Mais c'était plus commercial aussi, c'est pas du tout. Je pense pas que ce soit des personnes qui affrontaient la rue. C'est très commercial. Mmh. Ouais. Bon, après, ça fait partie du mouvement et c'est un petit peu les petits frères qui ont essayé de reprendre. Bon, on va commencer avec Sum 41. To stop hating, can't find a good reason, can't find hope to believe in. More contradiction to tell me. Voilà, c'était Sum 41. Bon, là, on a été très critiques hein, pendant la pause, pendant la diffusion de la musique. Mais bon, après, on a le droit. Je pense pas que. C'est le but, hein. C'est le but. Chacun donne son avis. Après, différence d'âge oblige. Bah, c'était plus du tout le même aspect. Déjà, c'était beaucoup plus médiatisé. On va dire, il y avait vraiment un aspect marketing. Même au niveau des clips, moi, je pense, on peut le voir. Après, c'est pas la même époque. Mais on regarde le vrai début du punk. C'est les... Alors, déjà, soit c'est des lives, ou soit c'est des. Enfin, c'est. L'image qui essaie d'être transmise est totalement différente, alors que là on a des clips qui sont avec ben, de la réalisation, vraiment des clips, ben, ça se voit que je pense qu'une musique peut être définie comme commerciale si on voit dans le clip de la manière dont c'est tourné. Et même si ces clips sont peut-être agréables à regarder parce qu'on est vachement habitué en fait, à ce genre de clips, ça a vraiment rien à voir avec les premiers, quoi, pour parler des clips. C'est vrai qu'en 10 ans, ça fait quand même une énorme différence, quoi. On passe d'un truc qui est où les clips sont hyper bien financés, où on est dans des grosses maisons de production, où on est plus vraiment dans du do it yourself, quoi. Okay. Ouais, on est. C'est ça, c'est que autant d'autres groupes auraient pu. Mais est-ce qu'ils auraient vraiment voulu ? Moi, je pense pas. Je pense que là, c'est vrai qu'on sent plus l'idée de la maison de production de relancer le mouvement en y mettant la dose de pognon. Et pour en récupérer du pognon après, oui. Voilà. On est surtout plus du tout sur le... Enfin, là, je veux dire, tout ce qu'on a mis depuis tout à l'heure, ce qui était Sex Pistols, c'est vraiment des gens qui sont venus aussi d'un milieu totalement différent. Mm-hmm. Je veux dire, l'Angleterre, 10 ans en plus avant que... 10-15 ans, dans les années 60. Sum 41 s'y mettent, quoi. Je veux dire, c'est 10-15 ans même, ouais. C'était absolument pas le même milieu. Là, on est en Californie. Je pense que Johnny Rotten aurait vu le chanteur de Sum 41. Je pense qu'il lui aurait mis une baffe. Ouais, il aurait mis une petite claque, quoi. Il aurait mis une baffe dans la tête. La claque de l'humiliation, quoi. C'est ça. Obligé. Et déjà, de base, ces gens-là ont, je pense, beaucoup moins à raconter aussi, dans le sens où, effectivement, ils sont pas connus. En fait, ils s'inspirent des anciens groupes, mais je pense pas que eux l'aient vraiment vécu. Du coup, l'impact est beaucoup moins... Même ridicule, c'est un peu... Enfin, l'impact reste pas, je veux dire, même maintenant, Sum 41, est-ce qu'on en parle encore beaucoup ? Bon, ils font encore des concerts. Des masses, ouais. On n'en parle pas des caisses, parce qu'ils ont épuisé leur stock de trucs à faire. Et ça, c'est un peu... Enfin, dans le style américain, je trouve, il y a toujours un peu ça de... De bah faire de un truc vraiment qui... Enfin, quand tu le délocalises, voilà, quand tu l'emmènes, quand t'emmènes un truc qui est vraiment, qui a une essence culturelle et que tu le mets aux États-Unis, au final, ça devient américain, quoi. Je veux dire, dans leurs clips, t'avais des grosses voitures, du skate et... Ça devient la machine à thunes. Et des filles en maillot, quoi. C'était vraiment ça. On pompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et après, bah, on passe à autre chose, quoi. Tu perds l'esprit aussi. Enfin, ouais, comme tu le dis, t'emmènes quelque chose ailleurs, t'as pas le background, t'as pas le contexte et il te manque pas mal de trucs, quoi. Les États-Unis, encore plus que les autres, je trouve, parce qu'ils ont... Enfin, ils se détachent pas vraiment de leur influence culturelle, de celle qu'ils ont, tu vois. Quand on parlait pas mal des clips, ouais. C'est vrai que dans les clips là direct, tu vois que c'est, enfin, je veux dire, on t'enlève la musique, tu comprends que c'est américain quand même. Ouais. Ah, tu vois juste le clip, déjà tu te dis wow. Ouais, on a changé de milieu, ouais, carrément, ouais. Sur le bord de la plage, on fait du vélo, on est au skatepark, c'est ça, ouais, c'est le skater qui... Ouais, je parlais un petit peu à côté, mais c'est effectivement bien. Ouais. Effectivement, ouais, dans les clips, c'est vraiment ambiance. Bah, on sent pas vraiment la pauvreté, quoi. On a des parents riches, on a des villas. Ouais, c'est plus du tout prolétaire. On fait les cons dans notre garage et après on va faire du BMX, quoi. Bon, tout ça, c'est bien mignon, mais ça fait tout de suite. Même si on peut quand même le laisser dans le mouvement punk, puisqu'officiellement ça en est, c'est quand même vachement allégé et beaucoup commercialisé, ouais, effectivement. En soi, il y a même plus la revendication de base, quoi. Je sais même pas s'ils l'ont dans les regarder. Paroles, dans les paroles, ils disent voilà, ouais, on est des rebelles, machin, bidule, mais enfin, il y a pas beaucoup d'impact, effectivement. Je vois pas trop où est la rébellion dans le délire, quoi. Mais de base, des rébellions, déjà, il y avait moins de raisons d'en avoir, parce que quand tu les vois, enfin, que ce soit dans les clips ou les films qui sortent de ces époques, avec justement qui nous rappellent ces musiques un peu, c'est tous le genre de jeunes, en fait. Tu t'identifies à celui-là ou pas, mais je veux dire, c'est le genre de jeune qui vit un peu chez ses parents et qu'on peut voir justement dans American Pie ou quoi, qui vit dans c'est exactement ça, les belles maisons avec des pelouses sans grillage. On saute tous dans les grandes piscines avec des bouées, voilà. On est 60 ou 70 à faire des teufs. Je pense qu'il y a pas, il y a pas de coup de gueule dans cette histoire, quoi. C'est, je pense que ouais, ils aiment bien ce mouvement, ils aimaient bien les groupes de l'époque, mais forcément, dans le contexte actuel, ils peuvent pas avoir autant d'impact. Ouais, ils peuvent pas s'en revendiquer de ce mouvement-là, ça passe moins déjà, c'est plus crédible. Mais moi, je pense que j'ai une musique qui peut rebondir très bien là-dessus. Alors, c'est Green Day qui fait quand même partie de ce mouvement. Oui. Mais American Idiot, donc, il quand même critique un peu ce qu'on était en train de dire, quoi. Que les Américains ont essayé de faire un peu une sauce, enfin, comme ils savent très bien le faire, mais qui peut être très facilement ridicule en fin de compte. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orsay, on continue notre émission spéciale Mouvement Punk. Là, on vient de vous présenter un peu la décennie 90 avec ce fameux retour du punk américain. Mais en France aussi, on a fait du punk. On a su aussi transmettre un peu nos messages. Et moi, j'aime bien, personnellement. Bon, Fatal Picard a eu une très très longue carrière. Et au début, ils étaient un peu considérés comme du punk pour les nuls. C'est eux-mêmes qui se décrivaient comme ça, parce qu'ils transmettaient quand même le message un peu. Il y avait aussi de l'autodérision qui était assez drôle. Au niveau musical, ça se repère pas tout de suite, mais on sent quand même un peu l'ambiance, quoi. Et toi, Hugo, tu voudrais nous présenter un peu Berruyer Noir rapidement ou... Ouais, bien sûr, mais enfin, après, je suis pas. Enfin, moi, c'est un style de musique que j'aime bien, je suis pas spécialiste non plus, je suis pas hyper calé, hein, mais c'est. C'est vrai que les Berruyer Noir, pour moi, si on me demande un groupe de punk français, j'ai vraiment pensé à ce groupe-là avant. C'était quoi ? C'était Trust aussi, qui était, ouais, qui Trust, était français, ouais, antisocial, ouais. Que j'écoute beaucoup moins, mais qui est plus connu, je pense, qui a beaucoup plus de notoriété. Le nom est plus connu, mais c'est vrai que la majorité des fans de punk français seront plus du côté des Berruyer, ouais. Justement, les Berruyer, je trouvais qu'il y avait vachement plus. Enfin, t'as vachement plus ce ressenti d'esprit un peu rebelle, le truc que tu retrouves justement chez les Sex Pistols. Bon, Liberus, c'est venu après aussi. Hein. C'est début des années 80, c'était quoi, 80, ouais, par là. C'est pas si loin que ça, hein. Début 80. Tu vois, c'était 4-5 ans après. Les Sex Pistols, ça a pas duré longtemps. De toute façon, leur carrière a duré, je crois, 4 ans. Fin 70, début 80, ça s'est enchaîné directement. C'était toujours dans le mouvement, en soi. Enfin, c'est... Ouais, mais c'est, enfin, je trouve que leur équivalent vraiment français, ce serait plus dans ce style, dans ce style-là que dans Trust. Je pense que je suis d'accord avec toi. Donc, vivre libre ou mourir, Berruyer Noir. Les Berruyers Noirs. On se retrouve sur Radio Campus Orsay. On va finir un peu notre émission tranquillement. Moi, j'aimerais encore vous présenter un peu... Moi, c'est le genre de musique trash que j'aime bien. C'est français, mais sauf que ça... le message est clair, quoi. Je sais pas si vous connaissez un peu les Salles Majesté. Alors, moi, non. Donc, je vais découvrir. C'est vraiment c'est vraiment les messages très crus. Je trouve que c'est très punk dans le sens où ils savent ce qu'ils veulent dire, quoi. J'essaie de chercher. Et vas-y, balance-nous ça. Alors, vous pouvez choisir, ça va être très très clair, hein. Soit vous avez Macron, soit Les Patrons ou Marine. Moi, je dirais Les Patrons. Et Les Patrons, ouais. Les Patrons ? Ça m'intéresse, ouais. C'est comme les cochons, ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire, on en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on est flingues citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de là. Oui, on est flingues citoyens, votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Oui, les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on abat. Alors arrêtons de nous laisser faire, soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, il est dur et pérennaire pour une poignée de billets verts. Oui, les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite que la pendaison. Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite qu'une volée d'or. Voilà les sales majestés. Donc comme le dit Benoît, c'est simple, c'est concis, et elle est bien. Et c'est frais. Et c'est vrai. Bah je vous laisse découvrir un peu. Moi c'est cru, mais moi c'est ce que j'aime. C'est quoi, c'est on tourne pas autour du pot. Ouais, faut dire ce qu'on a à dire, c'est ça, c'est ça qui est bon. Mais en plus ça se prend pas la tête. Moi c'est cash. Moi je vous conseille la musique sur Marine. Sur notre Marine nationale, comme ils disent. Voilà. Bon, là, c'était une émission, on va dire, un peu d'ouverture. On a découvert, on a partagé les visions du punk, un peu comment c'est arrivé. Et la prochaine fois, Benoît, qu'est-ce que t'aimerais nous présenter ? Donc, on y vient, parce que là, je pense que ça va être moi le plus calé sur la prochaine fois, c'est-à-dire sur le retour du punk, le renouveau, mais pas seulement un renouveau, un retour aux racines. C'est reprendre une vieille graine et la refaire planter. C'est commencer en 2006 jusqu'à aujourd'hui et ça continuera. On en parlera un petit peu plus la prochaine fois. Ça commence par le groupe The Gallows, donc groupe londonien. Fondé, ils ont quand même, le chanteur est quand même très charismatique encore. C'est un peu extrêmement un peu charismatique. Frank Carter, ça commence comme à l'ancienne, comme à l'époque, dans des petites salles, avec du bon pogo, limite des bastons en fin de concert, des concerts de 20-30 personnes, puis 50, mais souvent des petites salles, ouais. Parce que pour la convivialité, c'est toujours plus sympa, et c'est ce qu'on aime dans le punk. Près de la scène, le chanteur qui chante dans la foule, qui monte sur la foule, qui saute dans la foule, qui grimpe sur les trucs. Ouais, je veux tout à fait ça. Ouais. Les bières qui volent. Mais tout ça dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance et dans le respect. Ça, je trouve que c'est important, ouais, aussi. J'avais fait un concert de punk comme ça et les mecs buvaient dans nos bouteilles, en fait. Des fois, t'as le gars qui nous. Mon chanteur qui montrait qu'il avait une petite soif, tu vois, on lui filait. Carrément, mais il n'y a pas de violence. Tout en chantant, enfin, même si la musique est violente. C'est comme une petite famille, tout le monde se respecte, les mecs se payent des bières, ça se fait de nouveaux amis, Pour moi, c'est important. C'est... Bah, un truc où tu le vois bien, je pense, c'est que bah, alors, nous, je me souviens, il y avait beaucoup de boue, il y a eu un gros pogo. On s'est... il y en a pas mal qui se sont retrouvés à la gueule dans la boue, ouais. Et avec un bon gros coup d'épaule, mais au final, tu les aides à se relever, quoi, et tout le monde t'aidera toujours à te relever. Le mec te serre la main, un petit coup sur l'épaule et c'est reparti. Et... c'est ça. Enfin, c'est du truc de mec, quoi. C'est ce qu'on... enfin, moi, entre mecs, c'est ce que j'aime bien, quoi. Ça envoie, ouais. Ouais, et aussi, Hugo, on pourrait un jour faire une émission spéciale. Free party, qui serait le style musical est quand même vachement étendu avec les free parties. Je pense que ça peut être intéressant à présenter. Niveau radio, c'est un peu décalé puisque ça va pas du tout avec le concept, mais ça peut être intéressant à présenter. Je sais pas ce que t'en penses. Alors ouais, non, moi je suis enchanté de faire ça déjà parce que c'est un peu truc... ton kiff quoi. T'es un peu spécialiste. Bah, c'est vrai que non, absolument pas spécialiste hein, parce qu'encore une fois, ça c'est un truc. On va faire une parenthèse rapide, hein, mais c'est un truc qui est bien plus vieux que moi, ça la free. Mais effectivement, ouais, comme je t'avais dit, hors micro, mais ce concert, oui, je l'avais fait en free, les mecs s'étaient branchés sur le sound system. Et bah, c'est vrai que, enfin même Benoît, j'aurais pu te demander justement si tu pensais qu'on pouvait attribuer ça à un mouvement qui rejoignait un peu le punk dans certains états d'esprit. Bah moi, je vois pas trop ce que tu veux dire par free party en fait. Sur le coup, je suis un petit peu... Moi, je pensais, quand je te proposais ça, en fait, directement, en même temps que nos auditeurs nous écoutent, je ne l'avais pas proposé avant, mais tout ce qui est techno, trans, psy, Lord of Free, c'est vachement vaste. C'est pas spécialement radiophonique, on va dire. C'est pas de la musique que tu peux écouter n'importe quand, mais je pense que c'est intéressant à présenter. Moi, je suis très fan de tout ça. Je pense qu'il y a moyen de faire une émission là-dessus, effectivement. Après, moi... Est-ce que la mentalité, alors la question, est-ce que la mentalité peut se rapprocher un peu du punk ? Bah, la mentalité de liberté, je pense que oui. Les festivals, dormir en tente, se faire de nouveaux amis, partager des choses avec des gens qu'on connaît pas. Je pense que, bien sûr. C'est juste que le style musical est différent, tout simplement. Et donc voilà, et on va se retrouver, là on se donne, on sait pas quand, on va faire la prochaine émission. Ok. Et donc on va se retrouver sur le retour du punk, comme l'a dit Benoît. Il sera encore là, il sera notre invité pour pouvoir nous présenter, parce que c'est vraiment ce qu'il aime lui, il trouve que c'est authentique, et que c'est le vrai retour bien rattaché aux racines. Et juste du coup, là-dessus, mais une question, Benoît, c'est quand on entend punk is not dead, qu'est-ce que toi t'en penses ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le punk ne sera jamais mort, parce que tant qu'il y aura de l'oppression, des gouvernements qui font de la merde, des gens malheureux, ben, il y aura toujours quelqu'un qui aura envie de se rebeller, et il y aura toujours quelqu'un pour le chanter en musique. Donc comme le métal ne sera jamais mort, le punk ne sera jamais mort, parce que bon, je sais que je parle beaucoup de métal, mais c'est parce que le métal, venant de base du punk, on va dire qu'ils sont cousins, entre guillemets. Ils sont cousins avec un style de musique un petit peu différent, mais ils restent quand même cousins. Et non, Punk is not dead, c'est un titre d'album d'ailleurs, il me semble. le punk ne mourra jamais parce que on aura toujours quelque chose à dire et on aura toujours quelque chose à critiquer. Tant que la société ne sera pas parfaite, elle ne sera jamais parfaite. Ça lancera le débat, à mon avis, parce qu'il y a aussi beaucoup de controverses. Il y en a qui considèrent que les vieux, on va dire, considèrent que le punk, c'était une époque, une période. Et non. Je pense que c'est une vision. C'est une vision et on pourra c'est développer. C'est une vision, puisqu'on a toujours des vieux de 40 ans qui sont punk, mais qui ne le disent plus parce qu'ils sont fondus dans la masse et qu'ils ont mis une espèce de camouflage. Mais quand ils rentrent chez eux, la première chose qu'ils mettent comme musique ou dans leur téléphone, c'est du punk. Mais c'est juste qu'à un moment... Pour avancer dans la société, t'es quand même obligé de devoir un petit peu la fermer, entre guillemets. Mais après, ça dépend aussi si on parle vraiment de la musique ou de l'esprit qui va avec. Mais je pense que les deux sont toujours là. Les deux seront éternels. C'est pour juste toi. Qu'on est peut-être moins nombreux qu'avant, mais on est toujours là. Il y a qu'à traîner un truc nouveau. Il y a qu'à traîner sur Paris, des punks, il y en a énormément. Ouais, c'est sûr, quand c'était la grande vague... Quand c'est arrivé d'un coup, c'était une claque. Forcément, mais quand c'était la grande vague de NTM, c'était une claque aussi. Ouais, bien sûr, c'est tous les avancées culturelles comme c'est, ça. Les... C'est toujours des vagues, mais il y a toujours après une espèce, pas de résistance, mais... Les retombées prennent du temps, on va dire. Il y a toujours des adorateurs qui seront toujours là. Enfin, c'est... je veux dire, on a bien des fans de France Gall qui sont pas contents à ce moment parce que France Gall est morte, donc forcément le punk n'est pas mort, le punk ne peut pas mourir de toute façon, puisque le punk est un dérivé de la société, enfin le punk est arrivé à cause de la société. Donc tant que cette société existera, le punk existera forcément. Et comme cette société, elle aura honnêtement beaucoup de mal à évoluer. Cette contre-culture restera toujours un peu comme un appui qui est nécessaire. Parce qu'il y aura toujours besoin de pousser un coup de gueule, quoi. Il y aura toujours d'une façon ou d'une autre besoin de pousser un coup de gueule. Un besoin de se rebeller, un besoin de montrer qu'il y en a marre. Voilà. J'aimerais donc vous dire au revoir avec une citation de Benoît. Tu m'avais cité. Merci de t'en être rappelé, Mathias. Donc oui, donc c'est, je vais finir là-dessus avant que je sois réinvité la prochaine fois pour parler plus en profondeur d'un artiste qui me tient très à cœur, dont je ne parlerai pas plus maintenant parce que sinon vous allez aller faire des recherches et ça va me spoiler tout mon taf. C'est une phrase qui vient du manga qui s'appelle Croz. Donc c'est un manga que vous connaissez certainement pas, ou un petit peu à cause des films qui sont sortis, mais en tout cas le manga en lui-même n'est jamais sorti en France. C'est un manga de loubard des années 80, de bagarre de lycéens pour faire simple, mais avec de grosses valeurs comme l'amitié et le respect. Il y a une phrase à la fin de ce manga qui dit « Je préfère être un corbeau et vivre libre que d'être un oiseau en cage. » Et je pense que pour moi, ça justifie très bien la mentalité du punk et en tout cas la mienne. C'est-à-dire, je préfère être un marginal, d'être mal vu par un certain nombre de gens, mais au moins je sais que les gens qui me comprennent, ce sera de vrais amis en qui je pourrais avoir confiance, et je préfère être entouré d'un certain petit nombre de gens et détesté de tout le monde que de me fondre dans la masse et d'être juste un mouton, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Benoît. Alors je vous laisse avec Fiddler et ensuite Gallows, et voilà, j'espère que ça vous donnera envie pour suivre cette série sur le punk. Et oui, parce qu'après du coup on sera plus sur le punk actuel, ce sera le plus renouveau ciblé. Du punk, ouais, ouais. La prochaine émission, vous allez, ça va envoyer du lourd sur la prochaine, c'est sûr. J'ai pas l'habitude du micro, désolé. Yeah!